Le journal internet sud-coréen Minsok Ilbo en date du 30 août a inséré l'éditorial qui critique les autorités sud-coréennes de leur instigation pour la renaissance du militarisme japonais. L'éditorial note: lors de sa conversation téléphonique avec le premier ministre japonais, le numéro 1 sud-coréen a réaffirmé la coopération avec le Japon. Les derniers exercices militaires conjoints avec les États-Unis favorisent la fabrication de l'alliance militaire avec le Japon. Tant que les autorités ne voient pas la réalité par le servilisme à l'égard des grandes puissances, il est impossible de garantir la paix durable.